Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Autant en emporte l'histoire. Des drames, des comédies, des personnages attachants pris dans la tourmente de l'histoire qui, grâce à la magie de la fiction, vont partager avec vous leurs passions et leurs doutes par-delà les siècles. Ce sera tous les dimanches soirs sur France Inter. Aujourd'hui, je vous invite au théâtre, à Londres, sous le règne d'Elisabeth Ière, à la fin du XVIe siècle, une époque en Angleterre, il y en a comme ça dans l'histoire, d'une richesse et d'une créativité époustouflantes. Imaginez un soir de 1599. Le public s'impatiente sur les gradins du Globe, le théâtre en bois situé près de la Tamise, dans le quartier malfamé des tripots et des bordels. Les moins fortunés sont debout dans la fosse. On crie, on pousse, on rigole, on boit, on mange, on se tripote. Quelques étoiles brillent au-dessus du théâtre à ciel ouvert. Soudain, la trompette retentit, signale que le spectacle va commencer. Ce soir, on donne Le Marchand de Venise. Une pièce née quelques années plus tôt dans la tête d'un acteur, dramaturge et homme d'affaires, personnage à la fois génial et mystérieux, un certain William Shakespeare. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Gisèle Venet, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suppose que vous auriez adoré assister à une représentation au théâtre du Globe du vivant de Shakespeare, même debout dans la fosse. Ça vous aurait oui, plu. Je pense surtout qu'on peut toujours être debout dans la fosse en allant au Globe maintenant, ben au oui. Nouveau Globe. Alors, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 3, spécialiste de Shakespeare et du théâtre élisabétain. L'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1594 précisément. Alors, pouvez-vous nous rappeler, Gisèle Venet, le contexte historique, à la fois politique, religieux de cette époque-là? Alors, c'est quand même 1594, c'est le moment où la reine Élisabeth a à peu près accompli toutes les révolutions qu'elle voulait accomplir, dont la continuité de la révolution religieuse avec son père, puisque son père avait créé... Henri VIII avait créé cette religion étrange, qui est à la fois catholique et protestante. L'anglicanisme. L'anglicanisme, ça s'appelle pas tout à fait encore comme ça, mais c'est quand même ça. Elle a évidemment des opposants sur sa gauche ou sa droite, on ne sait plus très bien, dont évidemment Essex, ce général prodigieusement doué, mais en même temps très autoritaire, très volontaire. Très ambitieux. Qui a été son amant. On le verra dans la fiction. Voilà, donc elle est toujours assez vulnérable, elle a des sentiments qui la rendent vulnérable. Et en même temps, elle est restée cette reine vierge. Et Londres, c'est une ville à cette époque-là, en progression démographique. C'est une ville aussi où l'on va énormément au théâtre. Le peuple va au théâtre. On ne sait pas très bien. Le peuple, c'est une notion certainement que les gens qui ont un peu d'argent, les grands commerçants, les grands artisans, qui constituent peut-être l'image qu'on se fait du peuple, mais certainement pas le bas peuple. Il n'a pas les moyens d'aller dans des théâtres qui sont quand même assez onéreux, mais il y a des gens, comme était d'ailleurs le père de Shakespeare, des petits bourgeois, commerçants, artisans, qui vont dans ces théâtres, mais aussi de grands aristocrates. Et c'est une des villes, je crois que c'est une des villes les plus peuplées d'Europe. Cette période aussi, c'est une époque de grande violence, violence interreligieuse. Oui, bien sûr, quand on va mettre la main sur un jésuite, on va les triper, on va sectionner ses membres de façon que quand les quatre chevaux aux quatre coins tireront, les membres céderont plus vite. Enfin, on a des raffinements dans la torture absolument extraordinaires. Quand on lit ça, on se dit que ça n'est pas possible, mais ça l'a été. En 1594, quand l'action donc va commencer dans un instant, qui est William Shakespeare? Est-ce que c'est déjà un auteur connu? C'est un acteur connu, à peu près depuis les années 92. On dit qu'il est un grand Shakespeare, pour jouer sur son nom, évidemment. On dit aussi que ça veut dire quoi, un Shakespeare? Ça veut dire qu'il secoue les scènes. Voilà. On dit aussi que c'est un corbeau noir, dangereux, qui est vêtu des plumes de paon des autres auteurs. On dit déjà beaucoup, donc, qu'il commet des larcins. Mais Montaigne disait aussi la même chose. Montaigne disait « Je n'écris que de larcins ». Donc c'est un auteur déjà connu et déjà jalousé en 1594. auteur, pas beaucoup, enfin, plutôt auteur, acteur. Il a peu encore. Écrit, il n'a pas encore beaucoup écrit. Il a quand même écrit son Henri VI, trois parties. Il va faire jouer la Comédie des Erreurs, qui est un remake de Plaut, c'est-à-dire là aussi un larcin, un emprunt, mais très finement réajusté à l'époque élisabéthaine. Donc oui, il écrit, il n'est pas très connu en tant que tel, mais il est déjà, et il est connu comme poète. Il est connu, en 98, il sera connu comme l'autre Ovid, l'Ovid anglais. Oui, c'est dans les Métamorphoses d'Ovid, le poète latin, qu'il a découvert vraiment la littérature. Oui, on aime dire qu'il a peut-être appris à lire dans les Métamorphoses d'Ovid, ce qui est impossible, mais en tout cas, ça le rapprocherait de Montaigne, qui disait lui aussi avoir appris à lire dans les Métamorphoses d'Ovid. Gisèle Venet, nous poursuivrons ces discussions, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, La vie secrète de William S., un texte original de Stéphane Michaka, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Juliette Eman. Ces mines renfrognées, ces grimaces haineuses. Je sais reconnaître un public déçu quand j'en vois un. Ils sont venus voir la hache qui s'abat, la tête qui roule au pied du bourreau, et tout ce qu'on leur offre, c'est la main droite d'un pamphlétaire. L'imbécile, quel besoin avait-il de s'en prendre à la reine, de lui reprocher d'être trop conciliante avec l'Espagne? Pauvre fou, cette complainte valait-elle ta main droite? Voilà l'âge qui s'élève. Rude concurrence pour le théâtre. Divers inspirés d'Ovide ne peuvent pas lutter contre une pinte de sang servie bien fraîche. J'en peux plus, cette demoiselle tourne de l'œil. Spectacle trop cruel pour des yeux si tendres. Soutenez-moi, je... Appuyez-vous à mon bras. Ne regardez plus. Ses doigts m'agrippent comme la serre d'un rapace. Et son parfum. Musc, benjoin, ambre gris. Souffrez que je me remette. Elle se serait échappée du palais de la reine que ça ne m'étonnerait pas. Pardonnez ma fragilité. Elle vous rend plus forte que ces mille bourreaux qui persiflent. Pourquoi se moque-t-il? Le misérable de la main qui lui reste a ôté son chapeau en s'écriant « Dieu sauve la reine ». Comment vous remercier, noble inconnu? En m'appelant Will. Et vous? Qui a les cheveux si noirs à la cour? Une princesse du Levant ou une émissaire vénitienne? Emilia. Emilia Bassano. Londres, 1594. On croise du beau monde au gibet de Tyburn, au lieu des exécutions publiques. Dans le royaume d'Elisabeth Ière, les châtiments cruels concurrencent le théâtre. En cette fin du XVIe siècle, la cité que borde la Tamise est une capitale florissante. Drapiers, hommes de loi, marchands d'épices et aventuriers se pressent dans des auberges aux enseignes truculentes. La taverne de la sirène, l'auberge de la cloche, la tête de sanglier. C'est dans cette ville trépidante qu'un jeune homme de 29 ans, Will de son prénom, comédien et poète, tente de gagner sa vie. Il n'est pas encore l'auteur de Roméo et Juliette, de Hamlet et de La Tempête. Il a laissé son épouse, Anne, et leurs enfants dans une bourgade rurale à 3 jours de cheval. Et n'a qu'un souci. Comment attirer 2000 spectateurs à chaque représentation dans le théâtre qu'il loue avec sa troupe? Comment les faire rire, pleurer, applaudir? Bref, revenir aussi souvent qu'à l'église ou aux exécutions publiques. Tandis qu'il cherche le sujet de sa prochaine pièce, une jeune femme aux cheveux noirs va apporter une aide inespérée au jeune William Shakespeare. Laissez-moi deviner. Vous sortiez de la maison de votre père, dûment accompagné d'un chaperon, et la procession qui marchait vers Tyburn vous a emporté dans ses flots. Quelle imagination! Ce n'est que le début. Votre chaperon n'est plus qu'un plat souvenir sous les sabots de la populace. Mon Dieu, le pauvre! Quant à votre délicate personne, elle a vaillamment surmonté le roulis, mais ce fut pour être jetée dans la fosse aux lions du gibet, où les relents de bière ont eu raison de votre boule de senteur. Rien ne vous échappe. Boule, où je détecte, corrigez-moi si je me trompe, ambre gris. Correct. Benjoin. Épatant. Musc. Mais encore? Le malt provenait des rots de nos voisins. Vous oubliez la marjolaine et l'essence de girofle. Votre famille détient le monopole des parfums? Mon père est musicien. À l'auberge du Sauvage ou à Whitehall? La sauvagerie n'est pas où on la croit. Cette réplique prononcée à la cour pourrait vous coûter votre langue. Mais dans un théâtre, elle vous vaudrait des applaudissements. Vous aimez le théâtre? Je l'aime, je l'écris, je le joue. Il me ruine. Je pensais bien vous avoir vu quelque part. La courtine. Le rose, à Southwark. Je ne suis jamais allée à Southwark. Je peux vous y emmener. C'est là où j'habite. Et mon chaperon? Je vous l'ai dit. Piétiné par la foule, il sert d'engrais au gazon de Tyburn. Une pensée pour lui. Amen. Le quartier de Southwark, au sud de la Tamise, est le haut lieu des divertissements. Jardin de plaisir, fosse aux ours et théâtre. C'est là que le jeune dramaturge a trouvé asile. Son logis est un rez-de-chaussée obscur, aux poutres vermoulues, où une lumière pâle filtre à travers un vitrail épais comme un cul de bouteille. Attention, vous croyez? Vous croyez que j'ai grandi sous des voûtes de marbre, comme si j'étais la suivante de la reine? Ce n'est pas le cas. Que faites-vous à Whitehall, alors? Ah, c'est votre plume d'oie, là, sur la table. Et ces rouleaux griffonnés de verre. Quel est le sujet de votre prochaine pièce? Je le cherche depuis 10 jours. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis répétitrice de musique à la cour. Quel instrument? Lutte, viol et chant. Comme le dit sa majesté, nous sommes d'humeur changeante. Vous enseignez à la reine? Je ne dois pas en parler. Je peux m'asseoir là, sur le seul siège? Vous en prie. Personne n'enseigne à la reine. Elle s'enseigne à elle-même. Comment est-elle? Vous aimeriez savoir, bien sûr. Élisabeth, on l'a dit brutale, capricieuse, monstrueuse. Mais on parle sans la connaître. Les joyaux de la couronne pâlissent auprès d'elle. Ses lèvres, ses pommettes, ses yeux brûlent d'un feu ardent qu'on ne peut qu'adorer. Elle rayonne comme un soleil, mais elle est secrète comme la lune. J'ai chanté pour elle à l'abbaye de Westminster. La reine se tenait à 1 mètre de moi. Nous étions 8 chorales réunies pour la célébrer. Et notre chant, qu'elle accueillait en fermant les paupières, semblait résonner dans toutes les chapelles du royaume. La reine est brûlante, mais elle est tranchante aussi. Je n'avais jamais vu de châtiment public. Vous étiez là pour le spectacle. Le spectacle? Depuis quand les supplices en sont-ils un? Depuis toujours. J'étais venue voir ce qui attend peut-être un ami. Un ami? Un homme bon, qui fréquente la cour et la connaît trop bien. Si les choses tournent mal, ils le feront lui aussi monter sur la potence, et lui trancheront plus que la main droite. Un de vos amis est soupçonné de haute trahison. Chut. Moi, vous en saurez... J'ai cru entendre des pas. Oui, je partage ce taudis avec quelques rats. D'une espèce particulière. Tu ne sais pas, jante demoiselle, mais les rats de Southwark vivent en concubinage avec les taupes. Et cette taupinière n'est à vrai dire que l'antichambre du théâtre sur lequel rats et taupes se métamorphosent en acteurs. Vous m'avez fait peur. Elle est délicieuse. Elle serait parfaite pour jouer une marane chassée d'Espagne ou du Portugal. Dommage que le sexe faible ne soit pas autorisé à monter sur scène. Emilia Bassano, Thomas Pope. Tom, pour les intimes. Qui veut chasser la vie Dans les tavernes de Londres à la fin du XVIe siècle, une faune bigarrée chante, croise le fer ou se prostitue. Les femmes de mauvaise vie, marquées de petites véroles, frayent avec les étudiants désargentés. C'est à la tête de sanglier que Thomas Pope, acteur et acrobate de la troupe de Shakespeare, entraîne Will et Emilia. La jeune femme a échangé sa robe de velours contre un habit de garçon. Ses tresses noires retenues par un béret, elle entre incognito dans cette taverne où les gens de cour ne s'aventurent jamais. Qui vois-je là-bas? Est-ce que ça ne serait pas Maître Burbage? Richard est toujours fourré dans la gueule du sanglier. Hey Burbage! Will! Tom! Il est acteur lui aussi? Le meilleur, je le crains. Qui est l'oiselet noir qui t'accompagne? Patouche, hein? Elle est musicienne à la cour. Pourquoi le craignez-vous? Quand il monte sur scène, on ne voit que lui. Mais Galipette passe pour une danse de cinq. Richard Burbage, Emilia. Mes hommages, jeune homme. Si elle enlevait son béret, tu adorerais son plumage. Noir à faire pâlir une corneille. Coucha. Oh, elle m'a pourfendu. Tom a raison. Avec son béret, Emilia ressemble à ces réfugiés juifs qui ont fui l'Inquisition. Une marane à la cour d'Elisabeth? Comment est-ce possible? Will, tu as apporté mon rouleau? Ton rouleau? Mon rôle, mes tirades, le tonnerre sur la scène! Burbage! Il fait ça à chaque fois. Je cherche un sujet. Il cherche un... Will, combien de temps vas-tu chercher? La peste de l'an dernier nous a mis au bord de la faillite. Les théâtres ont dû fermer 8 mois. Je sais. Et maintenant, ils rouvrent tous! Tu sais ce qu'ils vont jouer à la courtine? Non. Une vieille pièce de Marlowe, le juif de Malte. Drôle d'idée. Brillante idée. Le médecin personnel de la reine, un vieux juif venu du Portugal, vient d'être mis aux arrêts. On le soupçonne d'avoir voulu empoisonner Elisabeth. Elle a blémi. Emilia a blémi. Tu vois l'idée, Will? On va entendre parler de ce vieux juif dans tout le royaume. Et nos concurrents vont se remplir les poches en faisant revenir sur scène un juif méchant, vicieux et empoisonneur. Je vois trop bien. De quoi faire condamner le médecin par la foule. Mais qu'il aille au diable, le médecin! Ce que je veux, moi, c'est un rôle. Des tirades, le tonnerre sur... Burbage! Une bête de scène, je vous dis, ça marche à tous les coups. Tom, viens. Allons répéter la comédie des erreurs. Tu tiendras le rôle de l'esclave. Moi? Mes hommages, jeune homme. Will, ne laisse pas cet oiselet noir tourner autour de ta tête. Prends ta plume et écris. Avance, Romeo. Je ne suis pas celui que vous croyez. Coquin, tu mens. Comment s'appelle-t-il? Qui donc? Allons, je vous ai vu tressaillir. On l'appelle Docteur Lopez. Rodrigo Lopez. Est-ce qu'il l'a fait? Empoisonner la reine? Il avalerait tout l'arsenic du continent plutôt que d'empoisonner sa souveraine. Mais est-elle la sienne? Est-elle la vôtre? Nous étions juifs autrefois. On nous interdit de l'être aujourd'hui. Lopez, comme mon père, s'est converti à l'église d'Angleterre. Corps et âme? Pour son malheur, il s'est aussi converti aux intrigues de Sir Francis Walsingham. Le maître espion de la cour? Voilà un étrange médecin. Rodrigo Lopez a toujours œuvré au service de la paix. Mais d'autres, plus puissants que lui, ne l'entendent pas de cette oreille. Plus puissant, vous voulez dire? Robert de Vereux, comte d'Essex. Le favori de la reine. Et membre de son conseil privé. Le seul homme à la cour qui ose interrompre Elisabeth lorsqu'elle joue de la musique. Cet instrument. Sa Majesté m'a fait demander. Nous? Non. Je l'ai fait mander, Emilia? Je peux me retirer, votre grâce. J'ai pourtant des choses importantes à lui dire. Elle écoutera quand ses tympans seront moins incommodés par les claquements de vos talons sur les dalles du palais. Au sujet de Lopez. Emilia, prenez mon luth. Je dois conférer avec... Robert de Vereux, deuxième comte d'Essex, est un cousin issu de Germain de la reine Élisabeth. Né 32 ans après elle, il est aussi son amant. Leur relation passionnée, orageuse, s'envenime au gré des incartades d'Essex. Elle, la souveraine protestante, veut la paix avec l'Espagne catholique. Lui, le précoce général de cavalerie, rêve de piller le port de Cadix, ce qu'il fera 2 ans plus tard en 1596. Le jeune aristocrate, issu d'une lignée féodale plus ancienne que les Tudors, est impétueux, flamboyant. Les portraitistes de l'époque le peignent environné de roses, pourpoint brodé d'or, visage rêveur émergeant d'une collerette en dentelle. Mais la cruauté des sexes, comme son ambition, est sans borne. Oh, pas si près. Crapaud malveillant. Parle-moi du médecin. Rodrigo Lopez. Ruy Lopez pour son entourage, sa clique. Entretient un réseau d'espions, une étoile tissée depuis 20 ans qui relie les plus grands ports d'Europe. Il connaît du monde, et alors ? Ses accointances parmi les maranes, cousins éloignés ou proches parents, facilitent ses manigances à Lisbonne comme à Anvers, à Constantinople comme à Venise. Qu'allez-vous encore inventer ? Quelle manigance ? Lui est-il interdit de rencontrer les siens, de faire commerce d'épices et d'obtenir des renseignements précieux pour le royaume ? Vous l'avez couvert de faveur, mais Lopez est un juif. Un marane qui pratique sa religion derrière des portes closes. Je n'ose songer à ce que vous pratiquez derrière des portes closes, Essex. Un luth dans chaque main, Emilia, cachée derrière une tapisserie d'Arras, ne peut s'empêcher d'épier l'entrevue du comte d'Essex avec la reine. Je n'ai pas concocté un poison mortel destiné à sa majesté. Mon médecin privé m'empoisonnait. Il a avoué, votre grâce. Sous la torture. C'est vous qui menez l'interrogatoire. Vous qui le couchez sur le râtelier. Vous qui lui piétinez la face. Qui vous a rapporté ? J'ai beau approcher l'automne de ma vie. J'ai encore des oreilles et des yeux. Jusque dans les salles de torture des sex house. Le procès de Lopez n'est plus qu'une question du jour. Lord Francis Bacon se chargera des poursuites contre le traître. Mes hommages. Pensez-vous que son sort soit scellé ? Le vôtre l'aurait été s'il vous avait entendu derrière la tenture. Vous n'avez pas froid aux yeux, Emilia. Mais le médecin, vous pensez qu'il risque... Je ne donne pas cher de sa peau. Pourquoi Essex lui en veut-il à ce point ? Lopez a dû se montrer étourdi à un certain moment. Il s'est montré étourdi, oui. Il y a 30 ans, il a pris l'Angleterre pour une terre d'asile. Lorsque Rodrigo Lopez s'était réfugié à Londres durant l'hiver 1558, c'était pour fuir l'Inquisition portugaise. Ce médecin d'une trentaine d'années était un marane, autrement dit un juif converti de force au christianisme. Après l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, le Portugal devint un refuge pour ceux qui n'avaient pas fui à Anvers, en Afrique du Nord ou à Constantinople. Bientôt, pour faciliter un mariage dynastique avec l'Espagne, le roi du Portugal décrète la conversion forcée des résidents juifs. Chez les Lopez, qui ont choisi de rester, on pratique sa religion en secret. Mais l'Inquisition veille. Le jeune Lopez, devenu un brillant médecin, est soupçonné d'avoir gardé son ancienne foi. Ses biens sont saisis, sa vie ne tient qu'à un fil. Lorsqu'il se réfugie à Londres en 1558, année où Élisabeth Ière accède au trône, l'Angleterre embrasse la réforme. Rodrigo Lopez sera donc protestant, dans un pays où les juifs ont été expulsés dès le XIIIe siècle. Londres offre pourtant sa chance aux médecins. Il gravit les échelons, fonde une famille, devient prospère. Parmi ses patients, on compte plusieurs membres éminents de la cour. La reine ne tarde pas à en faire son médecin privé. Mais lorsque Essex dirige les soupçons sur Lopez, aucune voix ne s'élève pour prendre la défense du médecin juif accusé d'être un empoisonneur. Pourquoi le comte d'Essex s'en prend-il à un simple médecin ? Je vous l'ai dit, rien n'est simple chez Rodrigo Lopez. Vous êtes comme ces marchands qui laissent humer un parfum et referment le boîtier jusqu'à ce qu'on tende un shilling. Vous en dire davantage nous mettrait en danger. Pas ici. Écoutez. Quoi donc ? le grésillement de viande sur la broche. Il couvre nos voix. Reprenez, Emilio. On accède aux plus hautes fonctions que par des escaliers tortueux. Rodrigo Lopez a souvent prononcé cette phrase devant mon père, qu'il soignait sans rien lui demander en échange. J'adorais enfant me tenir dans un coin et l'écouter parler. Il n'était jamais avare d'un bon mot, d'un conseil ou d'un jugement avisé sur les gens de cour. Avec eux, il se tenait sur ses gardes, sachant qu'il ne lui pardonnerait pas d'avoir été juif dans une autre vie. Le succès aidant, le bon médecin a voulu respirer un air meilleur, loin du purin d'hôpital, comme il disait toujours. Je croyais qu'il voulait s'installer hors de la ville. Il voulait surtout se rapprocher de Whitehall. En plus de son activité de médecin, il s'est mis à importer des épices et à intercepter des courriers pour le compte de la reine. Bientôt, Lopez est devenu indispensable à la cour, comme médecin et ambassadeur officieux, œuvrant pour la paix entre l'Espagne et l'Angleterre. Bref, il a atteint la dernière marche, le sommet de son ambition. Et pour son malheur, il a croisé le comte d'Essex. Peut-être aurait-il dû rester un simple médecin. À quoi pensez-vous, Will ? À mes débuts dans le quartier des théâtres à Shoreditch. Comme acteur ? Non, comme palefrenier. La nuit, à Londres, les cloches se taisent, les charrettes se figent, les aboiements et les cris ne couvrent plus le bruissement de la Tamise. Entre deux paroles, Will et Emilia entendent les moulins qui reversent l'eau du fleuve dans des tuyaux en bois. Flûte nocturne de cette immense cité. Vous avez quelque chose en tête ? Moi ? Oui. Vous cherchez un sujet et quelque chose en moi vous intéresse ? Bien sûr. Et vous savez ce que c'est ? Votre boule de senteur. Si, si. Je vous assure. Sentez-vous mieux la marjolaine ? Et les girofles. Et d'autres épices qui... Des épices ? Je sens Venise et le poivre indien qu'on échange contre une poignée de Ducas sur le Rialto. Vous connaissez Venise ? Non. Je voyage en imagination. Une partie des miens vit dans le ghetto à Venise. C'est là que les juifs sont confinés. Comme le quartier ne peut pas s'étendre, ils construisent en hauteur. Étage après étage, ils se rapprochent du ciel. Je suis devant chez moi. Je vous rends votre béret. Ses tresses noires roulent sur ses épaules et j'en perds mes mots. Ma main a plus d'audace. Vos doigts s'en mêlent à mes tresses. Puisse mon âme s'en mêler à la tienne. Vous êtes marié, Will ? Mon épouse Anne vit dans le nord, à Stratford-upon-Avon. Nous avons trois enfants. Vous la voyez souvent ? Uniquement quand je monte pour affaires. Je suis mariée aussi, et mère d'un enfant. Nous avons tant de choses en commun. Lorsque vers 1h du matin, il regagne son logis de Southwark, William Shakespeare, 29 ans, une femme, trois enfants et sept pièces portées à la scène, cherche en vain les premiers vers de sa prochaine comédie. La voix d'Emilia Bassano, répétitrice de chant à la cour, ne cesse de résonner dans sa tête. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sa faute ou la mienne ? Où que je me tourne, je revois son visage, ses tresses charbonneuses. J'entends la prière qu'elle murmure en s'agenouillant comme si je l'avais suivie dans sa chambre et regardée par-dessus son épaule. Venise, le Rialto, un marchand chrétien et un usurier juif. Le juif prête 3000 ducats au marchand en attendant le retour de ses navires. Mais les navires sombrent dans une tempête. L'usurier réclame alors une livre de chair. La chair humaine du marchand qui moquait sa religion. Cet usurier sombre, inflexible et amer, je l'appellerai... Shylock. Emilia, vous êtes revenue? Entrez. 5 mois se sont écoulés depuis la rencontre de Shakespeare avec la jeune musicienne. Dans le Londres populeux de l'époque, le futur auteur de Hamlet a disparu comme une aiguille dans une botte de foin. Emilia le cherche en vain pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, égarée dans le quartier de Southwark, elle reconnaît le logis tout de guingois, la porte au bois vermoulu. Je suis revenue le lendemain de notre rencontre. Votre porte était close. J'ai dû partir pour Stratford. Ma femme et mes enfants m'ont retenu plus longtemps que prévu. 5 mois. Que d'occasions avons-nous manqué? Jamais je ne lui avouerai que je me suis cachée d'elle pour ne pas devenir fou de désir. Pour une dame de cour, un acteur n'est jamais qu'un bouffon. Rien n'a changé. Même plume d'oie. Même rouleau. Le Juif de Venise. Heureuse que vous ayez trouvé votre sujet. Lui avez-vous donné les traits de Lopez? Mon personnage est différent. Il s'appelle Shylock. Mais je n'arrive pas à le faire parler. Torturez-le. On dit que le médecin sur leur atelier a avoué que le roi Philippe II l'a soudoyé pour qu'il empoisonne notre souveraine. Vil mensonge. Essex a fabriqué les preuves. Tout ça pour relancer la guerre avec l'Espagne. Il rêve d'une seconde défaite de l'armada. Alors, allez-vous faire comme lui? Livrer un juif en pâture aux spectateurs? C'est pas tout à fait... En faire un objet de moquerie? Comme ces sorcières et ces bossus que vous faites monter sur scène et disparaître d'un trait de plume? Ne pouvez-vous pas imaginer mieux? Shylock, l'usurier de ma pièce est vindicatif, oui, mais je voudrais aussi qu'on le comprenne. On ne le comprendra pas si vous le faites parler avec un accent grossier. Justement. Quel est l'accent d'un juif de Venise? Comment parlerait-il? Et c'est pour cela que vous m'avez fréquenté? Je vous assure que non. Je vous en prie, Emilia. Il parlerait comme un homme ordinaire. Ne souffre-t-il pas comme un homme ordinaire? Un homme ordinaire. Will, sais-tu ce que je viens d'apprendre? Oh, pardon, Emilia. Que se passe-t-il, Tom? La reine a signé le décret d'exécution. Lopez va être pendu en place publique demain à 3h de l'après-midi. Vous y serez? Oui. La reine a tenu tête pendant 5 mois à son conseil privé, aux exhortations d'Essex et à la populace qui réclame la mort de Lopez. Élisabeth Ière n'a jamais vraiment cru à la fable du médecin empoisonneur. Mais dans l'Europe du XVIe siècle, les rumeurs sont tenaces, surtout quand elles attisent la haine et les persécutions. On croit aux juifs empoisonneurs comme on croit aux sorcières et aux démons. Le 7 juin 1594, Rodrigo Lopez est pendu, éventré et décapité devant 3000 personnes. Will, viens ici, viens voir. Attends, Richard. Tom veut me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Tu vas donner à Kemp le nouveau rôle. 6 ans ont passé. Au printemps 1600, la troupe de Shakespeare connaît triomphe après triomphe entre les murs du Globe, un théâtre à ciel ouvert érigé au sud de la Tamise. La fièvre des représentations a fait oublier à Will la jeune femme aux cheveux noirs qu'il a longtemps omnubilé. Aujourd'hui encore, on soupçonne que la Dark Lady des sonnets de Shakespeare doit beaucoup à Emilia Bassano. Elle-même deviendra, en 1611, la première femme anglaise à publier un recueil de poèmes. Ce qu'on sait moins, c'est que son parfum de Venise a inspiré l'une des pièces les plus célèbres de Shakespeare. Will, comment il parle, ton usurier? Il a un accent. Shylock? Oui, j'apprends le rôle depuis hier et je sais pas comment le faire parler, tu vois. Un juif vénitien doit avoir un accent. Tu crois? Ben forcément, sinon il y aura pas... Burbage! Justement, Richard, j'ai réfléchi et mon avis est qu'il faut le jouer comme un homme ordinaire. Ordinaire? Pas comme une bête de foire, pas comme une curiosité de la nature. Prends ton rouleau et lis avec moi. Je suis un juif. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains, des organes, des proportions? Je suis un juif. Un juif n'a-t-il pas des yeux, des mains, des organes, des proportions? Non. Des sens, des sentiments, des passions, nourris par la même nourriture, sujets aux mêmes maladies, guéris par les mêmes remèdes, réchauffés et refroidis par le même hiver et le même été qu'un chrétien? Sans sentiment, passion, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes. Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Et si vous nous faites du tort, ne devons-nous pas nous venger? Tu vois, un homme comme les autres. Il parlerait comme un homme ordinaire. Ne souffre-t-il pas comme un homme ordinaire? Eh oui. Merci. I am a Jew. Have not a Jew eyes? Have not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? La vie secrète de William S. de Stéphane Michaka avec William Shakespeare dit Will, Florian Goetz, Emilia Bassano, Céline Milia Baumgartner, Richard Burbage, Éric Chalier, Thomas Pope dit Tom, David Oury, Elisabeth Ier, Hélène Losseur, Robert Devereux, comte d'Essex, Thibault Lacour, les voix de Rosemarie Doros, Blandine Baudrillard, Malo de la Tulay, Claude Bernard Perrault, Thomas Pouget, Benjamin Lebigre et Camille Arbouze de Morgon au luth. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Benjamin Vignal et Céline Guéribi, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Juliette Eman. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur William Shakespeare avec mon invité Gisèle Venet. Au soleil couchant, ça soupire. ce jour essuyer la poussière de ce réverbère. Le voilà qui s'endort au son des claquetis de la pluie sur les dalles de béton clair. Le voilà qui s'installe. L'homme vieillit contre ce réverbère. Il se taire, de se défaire de ses insomnies. Le voilà qui s'éteint aussi loin aujourd'hui. Réverbère de Laura Cahen sur France Inter. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée de Christiane Alain Favre et Marie-Claire Matoute. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Vincent Godard et Élise Christophe. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Gisèle venait écrire une fiction qui met en scène Shakespeare. C'est une sacrée gageure, non ? Car si ces pièces sont des chefs-d'œuvre, hein, des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, on ne sait presque rien de l'homme Shakespeare lui-même. Eh bien, c'est quand même intéressant la façon dont la fiction est mise en fiction. C'est-à-dire qu'au fond, on voit qu'on n'arrive pas à se détacher de ce mythe romantique d'un Shakespeare amoureux, ce Shakespeare amoureux d'une dark lady, d'une dame brune, alors que toute l'Europe est amoureuse d'une dame brune. Enfin, je veux dire, tous les poètes d'Europe, à cette époque-là, ont leur dame brune. Ça sert d'insolence pour dire que, effectivement, cette beauté platonicienne, idéalisée de la femme claire, belle, où le clair et le bon étaient associés, équivalents. C'est une sorte d'insolence poétique. Que ce mythe de la dame brune, alors c'est amusant effectivement de le voir transformé, mais les biographes y tiennent. Tous les biographes sont obligés effectivement, de mentionner cette dame brune comme une hypothèse, avec en particulier Emilia Lanier, la première femme poète. Voilà, elle s'appelait Bassano, oui. Mais elle s'est mariée à Monsieur Lanier. Voilà. Donc on ne sait pas grand-chose, c'est ce que je disais, du vrai Shakespeare. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Il y a des échos de ses contemporains, ne serait-ce que quand il commence effectivement à jouer pour la scène. On sait aussi, par exemple, qu'il est marié, on sait qu'il ne vit pas toujours à Stratford, mais qu'il y retourne très vite. Dès qu'il a un peu commencé à jouer à Londres, il va aller, en fait, vivre à Stratford, ce qui est assez étonnant. Avec sa femme, Anne Hathaway, alors, qui a quelques années plus que lui. Avec sa femme, peut-être avec ses enfants. En tout cas, il va vivre à Stratford une longue période de sa vie. Donc, le romantisme, là aussi, qui faisait de lui cet homme qui fréquente surtout les auberges malfamées et les bordels, finalement, c'est... On ne sait rien. Là on ne sait rien. Moi, c'est beau aussi d'imaginer des choses. Voilà, alors, comme il en a mis en scène, mais il n'est pas tout seul à les mettre en scène, par exemple, on n'a pas fait de biographie fantasy de Ben Jonson, qui pourtant a pas mal de autre choses à son actif. Autre dramaturge de la même époque. Il a, lui, réellement tué, par exemple, un jeune acteur, et on lui a effectivement brûlé dans le pouce la lettre T à Ben Jonson. C'est-à-dire bon pour Tyburn, bon pour être pendu. C'est-à-dire que s'il recommence, la prochaine fois, on fera même pas de procès, il ira directement à la pendaison. Effectivement, ces acteurs n'ont pas probablement des vies tout à fait... A-t-on justement une idée de la manière dont on fabriquait les pièces à ce moment-là, dans les théâtres, comment les écrivains écrivaient leurs pièces de théâtre? Est-ce qu'ils les écrivaient avec les comédiens? Est-ce qu'on a une idée justement aussi de l'ambiance des troupes? Ce qu'on sait, c'est que par exemple Shakespeare a un nombre de sources très précises, dont les sources du Marchand de Venise. Alors là, évidemment, on est presque malfaisant parce que quand on le signale, puisqu'on va à l'encontre de tous les grands mythes romantiques, mais Shakespeare prend tout simplement une nouvelle, un petit roman italien déjà écrit, dans Caliprantù, la livre de chair, l'usurier, l'amant qui s'en va essayer de conquérir la belle à Belmont. Donc vous voulez dire que cette histoire, elle n'est pas du tout faite. Inspirée du personnage bien réel de Rodrigo López, rien. Le médecin juif qui a été exécuté en 1594. Non, ce qui est intéressant dans la fiction de fiction qui nous est donnée, qui est très très bien écrite et très shakespearienne, on pourrait dire à sa manière, c'est qu'effectivement, peut-être que à la fois l'influence du juif de Malte et en lisant ce petit roman italien. L'affaire López, en plus, peut effectivement solliciter Shakespeare pour écrire son Marchand de Venise. Cette pièce, le Marchand de Venise, en quoi est-elle extraordinaire, justement, puisque vous dites que Shakespeare s'est inspiré de différents faits, de différents textes pour écrire cette pièce, mais c'est quand même la pièce de Shakespeare qui, aujourd'hui, est marquante. C'est quand même ce que Shakespeare, effectivement, fait de Shylock. C'est ce que dit très bien votre auteur moderne, Stéphane Michaka, qui a bien vu effectivement le nœud d'inspiration du Marchand de Venise, c'est-à-dire qui fait du juif un homme ordinaire. Oui, c'est ce que dit Shakespeare. Ça, oui. C'est extraordinaire, cette tirade qui est jouée là dans la fiction par Richard Burbage, qui était un vrai comédien qui a joué les pièces de Shakespeare et qui demande, mais comment je dois jouer ce personnage? Oui. Est-ce que je dois prendre un accent particulier? Et on lui dit, non, il faut que tu parles comme un homme ordinaire. Enfin, c'est un homme ordinaire. Nous, modernes, nous disons ça parce que la grande tradition de jeu a voulu que, à peu près jusqu'au début de l'époque romantique, quand on jouait siècle. Le Marchand de Venise, on jouait un Shylock totalement ridicule, caricatural. La convention était effectivement que c'était une caricature de caricature et que donc il fallait s'en moquer. Ce sont les romantiques, les premiers qui se sont indignés du sort qu'on a fait à Shylock. Et à partir de là, d'ailleurs, quelquefois, on a interrompu la pièce à la fin du quatrième acte pour qu'elle se termine sur la tragédie de Shylock. Mmh. Dépouillé de tout et quittant la scène, n'ayant plus rien. On a beaucoup discuté quand même sur le sens de cette pièce, Le Marchand de Venise. On a dit que cette pièce pouvait être, avoir une signification antisémite. Est-ce que vous, pour vous, au contraire, c'est le message que donne Shakespeare, c'est un message humaniste, de l'idée d'une vision universelle de l'humanité? Oui, certainement qu'il y a un humanisme à l'arrière-plan. Fait-il l'impasse de l'antisémitisme? Non, puisque c'est quand même extraordinaire que Shakespeare ait mis le doigt sur tous les éléments de l'antisémitisme. C'est simplement qu'il fait trembler en quelque sorte l'image de l'antisémitisme, et qui n'est pas d'ailleurs à cette époque un antisémitisme au sens contemporain du terme, oui, puisque ça, anti-judaïsme, c'est un mot moderne, mais c'est en tout cas très anti-judaïque, et donc c'est l'élément religieux qui retient beaucoup, mais un élément religieux qui est tout de suite devenu un phénomène de société et de rejet, justement, des juifs. Donc c'est assez trouble comme attitude, et difficile à monter, surtout après, évidemment, la Shoah. Et c'est très difficile, mais c'est monté. C'est difficile Israël, de monter cette pièce. C'est, oui. Voilà, c'est à la fois un modèle d'antisémitisme et en même temps un modèle de générosité, suivant la façon dont on l'interprète, pro-juive. Et Emilia Bassano, alors cette femme... Vous pensez qu'elle n'était pas la Dark Lady, mais c'était quand même une femme qui a compté dans la littérature anglaise. C'est elle qui a écrit dans la littérature anglaise, puisqu'elle le premier recueil de oui, c'est une des premières femmes poète. Elle écrit ce chant, ce long poème juif. Elle était juive elle-même. Elle est juive elle-même, tout à fait. Alors, juive marane, comme étaient tous les maranes qui se sont à la fois dissimulés et en même temps pas complètement dissimulés, puisqu'on les retrouve toujours sous leur vraie identité. Donc, si ces juifs maranes peuvent effectivement montrer leur vrai visage, c'est que la société les y autorise, avec de temps en temps effectivement des accidents cruels, oui, comme le comme pauvre... celui de Rodrigo Lopez. Rodrigo Lopez, oui. Alors je parlais à propos du règne d'Élisabeth Ière d'une période bénie pour le théâtre, une époque donc d'une incroyable créativité, liberté, mais cette époque ne va pas durer. Les puritains au XVIIe siècle y mettront fin et ils feront fermer les théâtres. Oui, bah le puritain est par essence, quand il est puritain, il y a un puritanisme catholique aussi qui s'est exercé contre les théâtres. Molière le sait mieux que d'autres, mais avec le Tartuffe, voilà. Donc tout comédien était enterré en terre non chrétienne, enfin en dehors des cimetières officiels et religieux. Donc il y a toujours une méfiance devant celui effectivement qui est, comme disent les Grecs, enfin l'origine grecque du mot acteur, qui est hypocrites, c'est-à-dire celui qui passe pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est devenu ce masque de l'hypocrite. Et donc, il y a cette méfiance devant le masque. La comédie, ce monde. L'illusion théâtrale. Oui, c'est ça. Shakespeare ne connaîtra pas cette fermeture des théâtres puisqu'il meurt à 52 ans en 1616. Merci beaucoup Gisèle Venet. Je signale que vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, c'est difficile de tous les citer, mais vous avez notamment supervisé en 2016 avec Jean-Michel Desprats l'édition des œuvres complètes de Shakespeare dans la belle bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr et bien sûr toutes les émissions de l'année dernière que vous auriez pu manquer. Vos commentaires aussi sont les bienvenus sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement complet d'ambiance, nous partirons sous l'occupation en France au sein du détachement Valmy, le groupe d'action armée du Parti communiste clandestin chargé d'abattre les traîtres. Une fiction très noire qui raconte une histoire vraie dont la vérité n'a été révélée que 60 ans après les faits. Mathilde, résistante et traître au parti, mon invité sera l'historien Franck Liègre. Mais pour l'instant, juste après le flash, ne manquez pas l'Afrique en solo de Soro Solo. Très bonne soirée à tous.